Le ministre coréen des Affaires étrangères Lee Yong-ho, participant à la 71e session de l'Assemblée générale de l'ONU qui se tient à New York, s'est entretenu avec les ministres des Affaires étrangères de Singapour, de Bhoutan, de Thaïlande et de Guyane, les ministres des Rapports extérieurs de Mongolie et d'Angola, le ministre cambodgien des Affaires d'État et ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et d'immigration de Syrie, le ministre algérien des Affaires d'État et ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le ministre des Affaires d'État du ministère des Affaires étrangères d'Ouganda. Ils ont échangé les problèmes d'intérêt commun comme le développement des rapports bilatéraux, le soutien et la coopération sur la scène internationale. Par ailleurs, il a rencontré aussi le président de l'Assemblée générale de l'ONU, le secrétaire général adjoint chargé des affaires de l'humanitarisme de l'ONU, l'administrateur du programme pour le développement des Nations Unies, le directeur exécutif du Fonds de démographie des Nations Unies, le président du Comité international de la Croix-Rouge, pour discuter sur des problèmes de collaboration entre les institutions précitées et la République populaire démocratique de Corée.